Les participants à la conférence nationale des exemplaires du domaine de la prospection géologique ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. Ils se sont rendus également au lieu révolutionnaire de Pyeongchang, au cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie, au lieu de la guerre de libération de la patrie et au musée central d'éducation de classe, et ont assisté à l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution » au Grand Théâtre de Pyongyang et à la représentation d'ensemble au Cirque de Pyongyang.